Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, un drame et ses mystères. Le 25 juillet dernier, une journaliste du bureau de l'agence France Presse à Nantes reçoit un étrange courrier. Dans l'enveloppe, elle trouve une photographie comme sortie d'un album de famille. On y voit deux jeunes garçons. Au verso du document, une phrase est écrite, lapidaire, « Je suis toujours vivant », suivie d'une étrange formule, « De là jusqu'à cette heure », signée Xavier Dupont de Ligonnès. La photo n'avait jamais été publiée par la presse. Les deux garçons sont les fils du signataire, qui est aussi le principal témoin et surtout suspect numéro un du drame qui s'est déroulé à Nantes 4 ans auparavant. Les cadavres de sa femme et de ses 4 enfants ont été retrouvés à leur domicile. Depuis le 15 avril 2011, les enquêteurs ont perdu la trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Et comme une ritournelle macabre, à intervalles réguliers, l'affaire ressurgit dans l'actualité. Les analyses du courrier suspect sont aujourd'hui toujours en cours. Alors, s'agit-il d'un corbeau, d'une mauvaise blague, de Xavier Dupont de Ligonnès lui-même? Quoi qu'il en soit, le mystère est toujours là, présent. Où est Xavier Dupont de Ligonnès? Est-il mort, toujours dans la nature, sous une autre identité? Cette affaire, c'est une plongée dans l'un de ces scénarios dignes de Chabrol, celui d'une famille et d'un homme en apparence ordinaire, acteur d'une tragédie à venir. En seconde partie d'émission, nous recevrons Anne-Sophie Martin, journaliste spécialisée dans les affaires judiciaires. Elle a notamment réalisé un numéro d'envoyé spécial sur l'affaire Dupont de Ligonnès, produit par Ligne de Mire pour France 2, et dont nous utiliserons des extraits au cours du récit. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le 21 avril 2011, Nantes, 19 quai François Mitterrand. Sur le perron du rutilant palais de justice dessiné par Jean Nouvel, les journalistes de la presse locale et nationale attendent. Et les murmures s'intensifient à mesure que le retard du procureur de la République, Xavier Roncin, s'allonge. Ce jour-là, le magistrat doit tenir une conférence au sujet d'une étrange affaire. Depuis une semaine environ, on a signalé la disparition d'une famille. Une information judiciaire a été ouverte. Ce 21 avril 2011, Xavier Roncin décide de convoquer les journalistes pour les informer des premiers éléments de l'enquête et diffuser les photos de la famille recherchée. Sauf que Xavier Roncin est en retard. Ça ressemble peu à cet homme connu pour sa rigueur et son sérieux. En réalité, le procureur était à l'heure. Quelques minutes auparavant, il s'apprêtait en effet à entrer dans la salle face au micro et aux caméras. Mais au dernier moment, le responsable de la sécurité publique, Philippe Cussac, le rattrape. Une information de dernière minute vient de lui parvenir. Ce 21 avril 2011, un coup de tonnerre s'abat sur la salle de presse du palais de justice de Nantes. Je m'apprêtais à lancer un simple appel à témoins qui, bien sûr, est maintenu. Mais ce matin même, il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille, sous la terrasse. Et l'enquête bascule donc, malheureusement, nettement sur une qualification criminelle. Tôt dans la matinée, la police de Nantes est retournée une énième fois dans cette maison du 55 boulevard Robert Schumann. Une maison de ville des plus classiques dont les volets sont anormalement fermés depuis une quinzaine de jours. Les policiers retrouvent ces lieux sans vie qu'ils ont déjà fouillés de fond en comble. Et c'est le silence pesant d'une maison vide. Dans le frigidaire, sur les meubles, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de couettes sur les lits, plus de photos dans les cadres. Oh, il reste bien 2 ou 3 choses dans le lave-vaisselle, mais tout laisse penser à un départ volontaire et organisé. Il n'y a aucune trace d'effraction ni de violence. Quelques minuscules taches de sang sur le matelas de l'un des fils, en plus grande quantité sur une serpillière et au pied d'une chaise dans la cuisine, mais aucun corps. Pas de trace non plus des 2 labradors de la famille. Ce matin du 21 avril, les policiers décident d'orienter leurs recherches vers une partie de la maison inexplorée jusqu'à présent, le jardin. Là encore, rien. L'une des agences se concentre alors sur la terrasse, sous l'escalier extérieur de la maison, près de la cave. L'espace est étroit, environ 1,20 m de hauteur. Son regard est attiré par la gamelle des chiens renversée. Intriguée, elle déplace un panneau métallique sous lequel le sol s'effrite. Alors le policier creuse et découvre rapidement un premier corps. À droite, une seconde fosse, plus profonde celle-ci, comprend 4 autres corps. Ceux d'une femme, de 3 garçons et d'une jeune fille. Il y a aussi les cadavres des 2 chiens. Les 5 victimes sont en tenue de nuit. Toutes ont la tête calée contre un oreiller imbibé de sang. Les corps sont recouverts d'un duvet ou d'une couverture, puis d'un sac poubelle entouré de rubans adhésifs. Dans ces terribles linceuls, les policiers retrouvent des douilles et des cartouches, ainsi qu'une amulette catholique. Pour chacun, une vierge, un chapelet, une colombe. Les sacs sont recouverts de chaux-vives. Le 23 avril, 2 jours après la découverte des corps, Xavier Roncin se présente de nouveau devant la presse pour annoncer la nouvelle. On peut désormais parler d'une exécution méthodique d'Agnès Dupont-d'Ligonnès et de ses 4 enfants. Les recherches ont établi que Xavier Dupont-d'Ligonnès avait récemment hérité de son père d'une carabine. La poursuite de sa recherche et son témoignage sont évidemment essentiels pour déterminer précisément les causes de ces 5 morts. L'autopsie est formelle. Il s'agit bien d'Agnès Dupont-d'Ligonnès, 49 ans, Arthur, 20 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans et Benoît, 13 ans, ses 4 enfants. Tous présentent plusieurs impacts de tir à bout touchant dans la tête et aussi dans la poitrine pour les 2 grands garçons. Les médecins légistes découvrent des traces de somnifères dans chaque corps, sauf celui d'Agnès, la mère, qui prenait un médicament contre les insomnies. La date des décès ne peut être établie avec exactitude, mais elle remonte à une 20aine de jours. Aucune empreinte digitale ou génétique n'a pu être relevée. La nouvelle fait la une de tous les journaux télévisés et de la presse. À Nantes et dans le quartier, c'est l'effroi. De hautes bâches noires entourent désormais la maison des Dupont-d'Ligonnès. Les voisins, les amis, les collègues sont sous le choc. Comment est-ce possible ? Irrémédiablement, les regards se tournent vers cette absence terrible parce que lourde de sens. Cette absence est bien sûr celle du père de famille, Xavier Dupont-d'Ligonnès. Ce qui m'intriguait, c'était ce balai. Là, il n'arrêtait pas de traverser et de remplir le coffre de sacs, de gros cabas. Ce que j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait le voisin ? Les amis de ces enfants-là sont venus aussi chercher des informations. Donc ça nous a un petit peu inquiétés. Les voitures sont restées sur le trottoir. La famille était très gentille, les parents étaient gentils, serviables avec tout le monde et c'est pour ça que je comprends pas, c'est un peu un mystère pour moi. Disons que oui, ça fait comme je la voyais tous les jours passer, voyant les 2 voitures ne pas bouger alors qu'elle la prenait tous les jours, on était un petit peu inquiet, je dis tiens c'est bizarre. De nuit, leurs chiens ont hurlé à la mort pendant 2 nuits. Et c'est là qu'on a dit bizarre parce que c'est des chiens qu'on n'entendait jamais aboyer. C'est un huis clos macabre qui s'est joué au 55 boulevard Robert Schumann, dans cette maison où la famille Dupont-d'Ligonnès s'est installée, voilà 8 ans. Après Versailles, un passage dans le Var, puis à Pornic, les Dupont-d'Ligonnès suivent les déplacements professionnels du père, Monsieur Dupont-d'Ligonnès, un nom hérité d'une vieille famille aristocratique, petite noblesse originaire du Vivarais, pas illustre, mais connue quand même. Le père est réputé travailleur, il est à la tête d'une société qui démarche des hôtels et des restaurants pour les commerciaux. La famille est catholique pratiquante. Agnès, surtout, la mère, va tous les dimanches à l'église. Elle est surveillante à l'école catholique Blanche de Castille. Les 2 jeunes enfants, Benoît et Anne, sont eux aussi scolarisés dans un établissement privé. Benoît est enfant de chœur, Arthur l'aîné est étudiant en BTS informatique, tandis que Thomas étudie la musicologie à l'université catholique d'Angers. Grâce à leurs premières recherches, les policiers ont pu établir que le dernier signe de vie d'Agnès et de ses 4 enfants datait du 3 au 5 avril. Et c'est quelques jours après cette date que les collègues et amis ont commencé à recevoir d'étranges courriers, notamment cette lettre reçue par Thierry Watson, le directeur de l'école où travaillait Agnès, lettre qu'il lit devant les caméras d'envoyé spécial. Monsieur, mon mari ayant été muté en Australie dans le cadre de son activité professionnelle, et étant parti précipitamment avec lui et mes enfants, je vous informe que je ne pourrai continuer à assurer mes fonctions. Signé, Agnès de Ligonnès. La signature est sans doute pas la sienne. Le style est pas le sien. le contenu est pas formulé avec ces mots. Rien ne colle avec Agnès. Quelques jours auparavant, le 4 avril, il avait reçu un coup de téléphone. Une voix masculine le prévenait qu'Agnès était malade et ne pourrait se rendre à son travail. Du côté des enfants, même scénario. Le collège d'Anne et de Benoît reçoit un appel. Les enfants sont malades, ils ne pourront pas venir. Arthur, pour sa part, aurait eu un accident de scooter. En dehors de ses études, le jeune homme travaille dans une pizzeria. Le directeur reçoit une lettre de démission. Il est surpris. Rien ne laissait présager dans l'attitude de son employé une envie de départ. Et puis il connaît Arthur. Il serait venu lui dire en face. Au collège, les amis d'Anne et de Benoît s'étonnent de ne recevoir aucune nouvelle, aucun appel. Toutes ces disparitions du jour au lendemain, en plein milieu d'année scolaire. Curieux. Pour les collègues et les amis, tout ça ne ressemble pas au Dupont de Ligonnès. Mais le plus incroyable reste à venir. Les proches de Xavier, le père, et d'Agnès, la mère, reçoivent tous un même courrier, quelques jours après ces derniers signes de vie relevés par la police. La sœur de Xavier, Christine, lit la lettre qu'elle a reçue. Le 11 avril, nous recevons une lettre de Xavier à Agnès, et elle commence ainsi. « Coucou tout le monde. Méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA, dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. En 2003, nous avons été mis en contact avec la DEA. » Drug Enforcement Administration, une sorte de brigade des stupes qui cherchait un Français pouvant être infiltré dans le milieu des discothèques françaises pour collecter des informations sur les réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d'argent sans attirer l'attention. Depuis quelque temps, certains indices faisaient penser que j'avais été repéré. Nous sommes donc pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux USA sous une nouvelle identité qui doit bien évidemment rester secrète. Et Xavier termine. Prenez bien soin de vous tous. Nous aurons tellement de choses à nous raconter plus tard. Xavier, Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Entre parenthèses, le plus dur va être de nous habituer à nos nouveaux noms. Là, je reconnais bien Xavier qui plaisante, qui essaye de dédramatiser un petit peu les choses dans un contexte assez délicat. Voilà qui expliquerait ce départ soudain, une protection prise en charge par la DEA. Xavier Dupont de Ligonnès, homme lambda en polo et en chaussures bateau, petite lunette, serait donc en immersion dans le milieu des boîtes de nuit et du trafic de drogue? Pour la police, ce scénario est difficile à prendre au sérieux. Jamais la DEA, dans une telle procédure, n'aurait laissé Xavier Dupont de Ligonnès parler de cette opération à ses proches. Du côté de la famille d'Agnès, toute cette histoire est impossible à croire et la panique grandit. C'est à ce moment-là qu'ils avertissent la police. La lettre se poursuit par une série de demandes adressées aux proches, vente de l'une des voitures, meubles à récupérer. Et puis ce post-scriptum en bas du courrier, terrible a posteriori. Inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, ils étaient là avant. Le bail de la maison a été résilié, les soldes de l'école des enfants ont été réglés, tous les comptes bancaires clôturés, sur la porte de la maison, une inscription, courrier, à retourner à l'expéditeur. Un départ pour l'Australie pour les uns, un procès aux États-Unis pour les autres. Chacun a reçu sa lettre, son mail. Or, depuis quelques jours déjà, les enquêteurs savent que les parents et leurs enfants n'ont pas atterri dans l'une de ces destinations lointaines. Aucun aéroport, aucune gare n'a enregistré leur passage. Non. Non, pour les policiers, c'est bien autour de la maison et de ses habitants qu'il faut chercher. Remonter la chronologie de leurs dernières traces, essayer de comprendre cette disparition si parfaitement élaborée, si méticuleusement organisée. Les policiers de Nantes commencent par analyser les relevés téléphoniques et bancaires. Dans la nuit du 3 au 4 avril, ils établissent que Xavier Dupont de Ligonnès, sa femme et trois de leurs enfants sont allés au cinéma, puis au restaurant, avant de rentrer chez eux. Thomas, l'étudiant en musicologie, lui est resté à Angers. Le scénario de cette soirée est confirmé par un message vocal de Xavier, laissé sur le portable de sa sœur Christine Dupont de Ligonnès dans la soirée du 3 avril. On était au cinéma, je suis en famille, et au restaurant ensuite, et on rentre juste. Voilà, ben je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu m'en rappelles. Je vais coucher les enfants durant ce matin. À tout de suite, peut-être. Pour les enquêteurs, c'est donc dans la nuit du 3 au 4 avril que s'est déroulé le drame. Il s'appuie notamment sur un appareil nocturne utilisé par Agnès Dupont de Ligonnès qui permet de mesurer la respiration pendant qu'elle dort. L'appareil a cessé de fonctionner aux alentours de 3h30 du matin. Le lendemain, le 4 avril, Xavier Dupont de Ligonnès prend la route d'Angers. Il déjeune avec son fils Thomas dans une auberge en bordure de la ville. Des témoins se souviennent. Ils expliquent que l'atmosphère était pesante. Peu de mots échangés entre Xavier et Thomas. Surtout, ils se rappellent qu'à un moment, Thomas est sorti de table pour prendre l'air. Il ne se sentait pas bien, comme très fatigué. Après le déjeuner, Xavier raccompagne son fils et rentre à Nantes. Le lendemain soir, le 5 avril, Thomas reçoit un SMS de son père. Il doit rentrer à Nantes de toute urgence. Sa mère a eu un accident de vélo. Thomas s'exécute et prend le train. Il arrive à la maison familiale. Depuis, personne n'a eu de nouvelles de lui. Le seul à laisser encore des traces, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Les enquêteurs suivent donc cette piste. Premier élément, l'arme du crime, de calibre 22 long rifle. Première coïncidence. Xavier Dupont de Ligonnès a justement hérité de son père, Hubert Dupont de Ligonnès, décédé quelques mois plus tôt d'une carabine 22 long rifle. Arme qu'il s'est entraîné à manier depuis plusieurs mois dans un stand de tir où il s'est inscrit et où il se rendait avec ses fils. Le moniteur de l'établissement raconte. Il m'a parlé d'une arme qu'il avait héritée de son père. Et il m'a apporté cette arme. Je l'ai examinée, je l'ai nettoyée parce que c'est quand même un outil de précision qui se respecte. Il me parle de cette arme, me parle éventuellement d'utilité d'un silencieux. Et comme dans un centre de tir, c'est prévu pour faire du bruit, l'usage d'un silencieux, aucun intérêt, quoi. L'analyse des relevés bancaires montre que Xavier Dupont de Ligonnès a utilisé sa carte fin mars pour acheter un silencieux dans une armurerie, puis des sacs poubelles et du ruban adhésif quelques jours plus tard. Enfin, le 1er avril, c'est du ciment, une bêche, une pelle et de la chaux vive qu'il paye dans un magasin à côté de Nantes. Autant d'éléments retrouvés sur les lieux du crime. Pour les enquêteurs, ça ne fait presque aucun doute. Le principal témoin et le suspect numéro un est bien Xavier Dupont de Ligonnès. Seul rescapé de la découverte macabre. Il aurait donc froidement et méthodiquement abattu chaque membre de sa famille, les aurait enterrés et aurait organisé sa fuite. Comment expliquer l'impensable? Les enquêteurs vont continuer de suivre les traces laissées par le père de famille et surtout remonter dans son passé pour comprendre ce qui aurait pu le pousser à commettre ce crime. Et ce qu'ils vont découvrir dépasse de loin ce que tous imaginaient. Derrière l'apparent monsieur tout le monde, derrière ce monsieur du pont de Ligonnès, se cache en réalité un homme à la dérive. Bien. Mais d'abord, il faut le retrouver. Je sais pas pourquoi ce matin je suis très en colère, mais je laisse rien paraître devant ma fille et sa mère. Bisous, bonjour, ennui, cafetière. La jolie vaisselle que nous a donnée grand-mère, j'aimerais tout foutre en l'air. Ouais, j'y pense des fois, les jours se ressemblent. Comme ma fille et moi. Allez chérie, dépêche-toi, on va être en retard. Dis bonjour aux voisins, au revoir connard. Toujours bloqué dans la circulation. Stimulation, agression, allez avance pauvre con. Qu'est-ce qui t'arrive papa? Dis-moi pourquoi tu t'énerves. Je l'entends pas aujourd'hui, je suis coincé dans un rêve. Allez mon ange, sois sage et passe une bonne journée. Ma propre hypocrisie commence vraiment à me saouler. Youhou, maintenant direction le taf, l'éclate. Un lapin dans un clapier, 8 heures derrière un clavier. Ça fait 2 semaines que j'essaye de parler à mon patron. Je l'imagine souvent le soir découpé dans des cartons. Monsieur, pour mon augmentation, on en parlera plus tard. Dire que ça fait 15 ans que j'enfile ce putain de costard. Après j'irai chercher ma fille comme toujours. Je ne vois que l'ennui, où est passé ma vie, où est passé l'amour. Ce soir, la même bouffe de supermarché, haricots vert, c'était caché, on fera semblant de pas se fâcher. Mais j'ai encore trouvé des textos dans son téléphone. C'est pas la fin du monde, ça fait 2 ans qu'elle me trompe. Moi comme d'hab je dis rien non, comme d'hab je suis à fond. Ce monde est trop pourri pour ma fille. J'ai honte la routine, le premier jour comme le dernier. Attends mais y'a pas un fusil dans le grenier. Le taf, l'angoisse, la fille, l'ennui, le temps qui passe, routine, ennui. L'amour, la mort, les rêves, l'envie, photo, sourire, encore la vie. Le stress, le noir, les larmes, les cris, les klaxons, les sonneries. Je crois que ce soir je vais faire une connerie. Seul, dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge, comme monsieur tout le monde. Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Seul, dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge, comme monsieur tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Nous aurions quelques questions à vous poser au sujet de l'incident d'hier soir. Oui. Vous connaissiez le voisin? Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur lui? Sur lui? Je suis encore sous le choc étant donné que c'était un père exemplaire, voisin charmant, attentionné, un type normal, non rien de louche, qui ferait même pas de mal à une mouche. J'entendais chanter sous la douche, il m'aidait à descendre mes courses, un gars ordinaire, discret, sans histoire. Y'a ma maison à la télé, tout ça difficile d'y croire. À la radio c'est dingue, il parle de flingues, de rideaux en sang. Dire qu'on avait passé les derniers nouvel an ensemble. On parlait bricolage autour d'un verre, trinquant notre santé. Un monsieur tout le monde, mais personne s'y attendait. Et à propos de l'incident, vous pouvez nous raconter ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Il a tué sa fille et sa femme, enfin sa femme en premier. On parle de fusil et d'idées noires dans le fond de son grenier. J'entends encore le bruit, les cris, c'est pire à chaque seconde. Trois tombes pour un monsieur tout le monde. Les enquêteurs ne savent pas où il est. En France, il est vivant, il est mort, il s'est suicidé. Ligonnès est un fantôme. C'est une horreur ce qu'il a fait. J'ai à mon mari, tu crois pas qu'il devrait être en dessous là? Parce que, vous savez, il y a comme des grottes. On peut se cacher là-haut? Difficile, ça m'étonnerait. Le deuxième point d'interrogation me dit où est-ce qu'il est, tout simplement. Un fantôme, en effet. Où est Xavier Dupont de Ligonnès? La question est dans tous les esprits. Le problème pour les policiers, c'est qu'ils ont beaucoup de retard sur lui. Ils recherchent la famille disparue depuis le 13 avril, une semaine environ après la mort de la mère et des quatre enfants. Surtout, ils n'ont découvert les corps que le 21 avril. Les enquêteurs tentent de suivre la piste de Xavier Dupont de Ligonnès après le 5. Et des indices, l'homme en laisse beaucoup sur son parcours. Il ne se cache pas. Entre le 6 et le 9 avril, des témoins assurent l'avoir vu déménager la maison du 55 boulevard Robert Schumann, mais aussi la chambre d'étudiant de son fils à Angers, puis celle d'Arthur, l'aîné, à Cholet. Il se rend ensuite dans un hôtel près de La Rochelle, puis dans un autre, à Blagnac, tout près de Toulouse. Le mardi 12 avril, il séjourne une nuit dans une auberge 5 étoiles au Pontet, à côté d'Avignon. Le directeur de l'auberge se souvient du passage de Xavier Dupont de Ligonnès. Déjà d'aspect, il présentait très très bien puisqu'il était en costume cravate. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de voyager, bon, il était assez volubile. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup, donc, qui a parlé beaucoup avec la réception, qui a parlé aussi bien après avec la personne qui l'a servi, avec le maître d'hôtel, aussi bien qu'avec moi-même. Mais bon, si ce monsieur nous avait dit qu'il faisait partie de la Fédération Française des Commerçants, donc c'est vrai que ça ne nous a pas étonné qu'il soit bavard. Mais vraiment quelqu'un de... pas du tout stressé, une attitude normale, je dirais, quoi. Un client qui se faisait plaisir, qui passait une soirée dans un établissement de luxe et qui profitait de sa soirée. Et à aucun moment, on a pu avoir un doute sur la personne ou quoi que ce soit. Après coup, quand la police est venue, ce qui nous a un petit peu intrigué, c'est qu'il a donné ses deux prénoms. Il n'a pas donc donné son nom de famille, il a donné ses deux prénoms. Xavier Laurent. Dès que la police nous a montré les photos de la famille, tout le monde a reconnu ce monsieur, quoi. Comment expliquer cette fuite qui ressemble plus à une balade? Xavier Dupont de Ligonnès serait-il confiant du fait de son avance sur les recherches de la police? Après Avignon, il passe par la Seine-sur-Mer et enfin Roquebrune-sur-Argence. C'est là que la police perd sa trace. Le 14 avril, il fait un retrait de 30 euros dans un distributeur de la commune. Le lendemain, 15 avril 2011, c'est le dernier signe de vie de l'homme, désormais le plus recherché de France. C'est là qu'on retrouve sa voiture, abandonnée sur un parking. Son visage est filmé par la caméra de vidéosurveillance d'un hôtel Formula en bordure de la ville. On peut voir qu'il tient un sac en bandoulière dont la forme laisse à penser qu'il contient une carabine. Certains observent que Xavier Dupont de Ligonnès regarde la caméra droit dans les yeux. Enfin, un témoin dit l'avoir vu partir à pied vers le rocher de Roquebrune, au-dessus duquel trônent trois grandes croix blanches. La région présente un relief particulièrement accidenté, constitué de crevasses, de falaises, de chemins alambiqués. Une opération d'envergure est organisée autour de Roquebrune-sur-Argence. Des hélicoptères, des plongeurs, des hommes de la brigade spécialisée pour la recherche en milieu périlleux sont mobilisés. Au total, ce sont plus de 130 hommes qui passent la région peine fin. Mais rien, non, absolument rien, pas une trace, pas un élément. Xavier Dupont de Ligonnès a bel et bien disparu à l'issue d'un périple tranquille, à la vue de tous, payant avec sa carte, donnant son prénom ou ses prénoms. Pourquoi ce coup d'arrêt soudain, le 15 avril? A-t-il décidé de mettre fin à ses jours? S'est-il tout simplement évaporé? Évidemment, on pense tout de suite à l'affaire Godard, mais aussi à l'affaire Roman. Dès lors, parallèlement aux recherches sur le terrain, les enquêteurs se penchent sur le passé de Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès est né à Versailles le 9 janvier 1961. Il est élevé par Geneviève du pont de Ligonnès. À 11 ans, son père quitte le domicile conjugal. Hubert, du pont de Ligonnès, connu pour sa réussite professionnelle, a des problèmes d'argent. Il ne supporte pas de voir sa réputation s'écrouler. Alors, il doit fuir pour échapper au fisc. Et puis, il a des aventures avec d'autres femmes. Après ce départ, Geneviève, catholique très croyante, qui rejette Vatican II et ses évolutions, se plonge dans le mysticisme. Elle est à la tête d'une petite communauté religieuse et pense avoir une relation privilégiée avec Dieu. Elle reçoit des messages divins qu'elle retranscrit. Xavier Dupont de Ligonnès vit une jeunesse versaillaise. Ses amis de l'époque se souviennent d'un jeune homme vivant, libre, plein d'allant. Au début des années 90, il épouse Agnès, qui est enceinte. Il adopte l'enfant, ce sera Arthur, l'aîné. Côté professionnel, Xavier est un débrouillard. Il a toujours une idée à la minute, lance de nombreuses sociétés, à droite, à gauche. Et puis il présente bien, il a la tchatche. En réalité, les enquêteurs le découvrent vite. Toutes ces sociétés ont périclité, dilapidant ainsi l'héritage d'Agnès. Derrière le Xavier, bien sous tout rapport, se trouvait en fait un homme acculé, comme en témoigne l'un de ses collaborateurs. Disons que honnêtement, il lui rentrait 10 à 15 000 euros par mois de différents sites, voilà, qu'il créait, de choses qu'il ne déclarait pas aux impôts. Tout à fait. Mais il a jamais, moi depuis je connais, depuis 2003, il n'a jamais payé un centime de TVA. Quoi. Très réfléchi, très intelligent, très calculateur, un gros magouilleur. Avec sa femme, ils avaient des problèmes plus ou moins de couple. Il avait une soi-disant amie qui lui aurait prêté 50 000 euros, qui n'était pas une amie, c'était une maîtresse. Mais comme sa femme aussi avait des problèmes, il y a 2 ou 3 ans, ils ont fait divorcer. Comment vous expliquez ce geste alors, si c'est lui qui l'a connu? Je l'explique comment? Je l'explique pas. J'arrive toujours pas à me persuader que ça peut être lui qui l'ait fait. La police de Nantes s'aperçoit rapidement qu'effectivement Xavier Dupont de Ligonnès a de gros problèmes d'argent, de nombreuses dettes, sa société ne fonctionne pas. Le témoignage d'une femme d'une 50aine d'années vivant dans la région parisienne abonde dans ce sens. Ancienne maîtresse de Xavier Dupont de Ligonnès, elle lui prête 50 000 euros, qu'elle ne reverra jamais. Peu de temps avant la découverte des cadavres, Xavier Dupont de Ligonnès lui demande de nouveau de l'argent, elle coupe les ponts. Cette histoire et ses zones d'ombre, révélées à mesure que l'enquête avance, font la une des journaux. Elles passionnent de nombreux Français. Certains n'hésitent pas à se plonger dans l'affaire. Événement assez rare pour être souligné, c'est l'une des premières fois que certains anonymes vont aider la police grâce à leurs recherches personnelles sur Internet. C'est le cas notamment de Christophe Lavérité. Derrière ce surnom se cache un fin connaisseur du web et de ses arcanes. Christophe réussit à remonter dans les histoires de certains forums et à retrouver la trace des comptes de Xavier Dupont de Ligonnès et de sa femme, Agnès. Et ces découvertes donnent une toute autre tournure à l'enquête. En effet, on y découvre un couple au plus bas. Agnès notamment fait part de son mal-être sur le site Doctissimo. Elle demande des conseils, explique que son couple va mal. De son côté, Xavier poste d'étranges messages sur un site catholique comme celui-ci en 2010. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi on parle toujours de sacrifices, notamment dans la religion catholique? Si Dieu ne demande pas de sacrifices humains, il les agrée de toute façon. Peu de temps avant le drame, il écrit à un ami « Ma situation actuelle est plus que précaire. Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Plus aucun problème pour personne. » Couple à la dérive, une situation financière irrespirable, décès de son père quelques mois auparavant, un père dont il voulait à tout prix ne pas reproduire le schéma et qu'il copie finalement trait pour trait. Pour les policiers, ces raisons pourraient expliquer le geste de Xavier Dupont de Ligonnès, qui bénéficie de la présomption d'innocence, bien sûr, mais qui reste le suspect des enquêteurs, suspect numéro 1. Le 10 mai 2011, un mandat d'arrêt international est lancé, il se pose la mise en examen immédiate de l'homme recherché. Cependant, pour certains membres de sa famille, ces raisons ne sont pas suffisantes. D'autant que le mystère reste entier. Sa sœur Catherine croit à la thèse de l'exfiltration par la DEA, expliquée dans le courrier qu'il lui a envoyé. Devant les caméras de France 2, elle s'explique. Mon frère, faisant 1m85, il me paraît totalement improbable qu'il ait pu creuser ces fosses en si peu de temps, tout seul, et retirer des mètres cubes de terre. Avec un mal de dos habituel, chronique, qui n'est un secret pour personne, tous les proches le savent. Comment vous expliquez son absence? Je ne peux pas l'expliquer, mais je ne crois pas au suicide. Pourquoi se suiciderait-il s'il n'est pas coupable de tout cela? Et avec le recul d'une année, je ne crois pas à la fuite puisque je ne le crois pas coupable. Christine Dupont de Ligonnès et sa mère Geneviève se sont constituées partie civile pour pouvoir accéder au dossier. Selon elle, de nombreuses failles dans l'enquête persistent. Comment expliquer que les tailles et les poids de certains corps autopsiés ne correspondent pas aux individus? Pourquoi se serait-il enfui Xavier Dupont de Ligonnès en laissant des indices aux enquêteurs? Autant de questions qui, selon elle, restent en suspens. Enfin et surtout, elle s'appuie sur plusieurs témoignages de voisines des Dupont qui certifient avoir vu Agnès le 7 avril, soit 3 jours après son décès supposé. On frôle le fantastique. Depuis la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, les enquêteurs ont reçu plus de 800 appels ou témoignages. On l'a vu en Italie, en Autriche, dans un restaurant, sur une aire d'autoroute, dans une grosse berline allemande. Autant de témoignages qui n'ont pu être vérifiés. L'homme était connu pour changer souvent de style, cheveux mi-longs, rasés, barbichette, barbe de 3 jours, avec lunettes, sans lunettes. Ses proches le disent, il avait parfois du mal à le reconnaître au gré de ses changements. Et puis, Xavier Dupont de Ligonnès a un physique de monsieur tout le monde. Pas de traits singuliers. Bon, il a bien ses cheveux un peu en broussaille, mais c'est peu pour le reconnaître avec certitude. Pour les enquêteurs, il y a donc 2 pistes possibles, le suicide ou la cavale. Au cours de ces dernières années, des cadavres ou des ossements ont été retrouvés dans la région du Var. Alors chaque fois, on a cru que c'était Xavier Dupont de Ligonnès, et à chaque fois, c'était un autre. Pour la famille d'Agnès, on imagine la douleur de l'attente et du mystère. La nature humaine a horreur du vide. Pourtant, cette fois, il semblerait qu'il faille s'incliner ou attendre. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. See nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, dont nous allons parler maintenant avec notre invitée Anne-Sophie Martin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes journaliste spécialisée dans les affaires judiciaires. Vous avez réalisé un numéro d'envoyé spécial précisément sur cette affaire Dupont de Ligonnès. Comment vous êtes-vous venue à vous intéresser à cette affaire, j'allais dire, peut-être comme beaucoup de Français, pour sa part de mystère ? Pour sa part de mystère, pour le milieu dans lequel elle arrivait, qui est assez peu fréquent hein, dans les faits divers, l'aristocratie, la bonne société versaillaise, et puis ce paradoxe entre une famille bien sous tout rapport, catholique, avec des connaissances des enfants, des grands ados, bien dans leur peau, avec tout va valeurs, bien, avec des valeurs, ouais. une bonne France, la province, tranquille, etc. Et puis tout d'un coup, ce cataclysme qui arrive et l'incroyable curiosité de cette nécropole qu'on retrouve dans la maison de famille. Ça, c'était quand même c'est quand même un fait unique. Bien sûr, c'est une nécropole, oui, vous avez raison, carrément. Ce qui frappe d'emblée, c'est quand même aussi la chronologie et surtout ce sentiment qu'on a concernant les enquêteurs qui sont toujours en retard d'une étape. On peut même dire que les enquêteurs ne rattraperont jamais leur retard. Je vous disais effectivement, ils sont passés dans la maison. Ils sont passés 5 fois dans la maison entre le 13 avril et le 21. Ça fait beaucoup. Alors, je sais qu'il y a une mise en scène remarquable dans cette maison, puisque vous avez les portes des armoires ouvertes, des cartons partout, des choses laissées un peu là. Il y a encore un balai avec une serpillière dans la cuisine, comme si on était effectivement parti un peu précipitamment, ce qui correspondra à la version des courriers, une mutation en Australie ou un départ pour l'Amérique et donc tout le monde est parti. Donc en fait, ils sont pas très curieux non plus, les enquêteurs, puisque ils referment la porte à chaque fois, puis ils reviennent parce que la famille s'inquiète, parce que la voisine voit que les volets bougent pas, parce que voilà, ils reviennent plusieurs fois jusqu'à ce 21 avril finalement. Et c'est incroyable, je sais pas si vous avez interroger des enquêteurs, enfin surtout s'ils vous ont avoué que oui, ça fait quand même une erreur monumentale, enfin comment des enquêteurs, des policiers peuvent-ils ne pas avoir la curiosité aiguisée par ce genre de spectacle? Alors ce genre de spectacle, c'est plutôt ce genre de milieu, j'ai envie de dire, pu se passer quelque chose de dramatique. C'est voilà, c'est une famille bien connue, honorable, voilà, au-dessus de tout soupçon, donc on y croit pas. Voilà, on se pose pas de questions, pas plus que ça. Il faut vraiment attendre quasiment 3 semaines pour que ça devienne, et parce que la famille d'Agnès de Ligonnès s'inquiète, pour que finalement les policiers reviennent en se disant il y a quelque chose, quelque part, il faut qu'on trouve. Et l'histoire de la gamelle du chien. Alors, si cette histoire... Et pourtant, vous l'avez souligné vous-même, il y a bien un indice, une sorte d'indice, quelque chose, ou un acte manqué, on ne sait pas trop, qui est glissé au beau milieu d'une longue lettre de 8 pages aux proches, à une douzaine de proches, où il dit surtout ne cherchez pas sous la terrasse. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est vrai que dans le bureau du procureur, à la PJ nantaise, on tique pas. Personne ne fait tiquer personne que, justement, cette lettre que l'on trouve assez vite, en tout cas dans le milieu de l'enquête, totalement abracadabrante, eh bien, on ne va pas la regarder vraiment très précisément, ligne après ligne, et se dire qu'est-ce qui cloche là-dedans. Alors, ce fait divers, on peut dire cette histoire, est singulière parce que la fin reste en suspens, le mystère reste entier. La question c'est, mais où est-il? Est-il vivant ou mort? Il bénéficie de la présomption d'innocence, Xavier Dupont de Ligonnès, on le répète, mais c'est vrai que tout l'accable. On va écouter ensemble l'avis du psychiatre Roland Coutanceau, qui s'est penché sur l'affaire et qui tente, parce qu'il ne peut pas faire autre chose que tenter d'expliquer un peu les différentes possibilités autour de cette histoire. Il y a dans ce meurtre familial, si c'est lui, quelque chose de rare, parce que cet homme a méticuleusement mis en scène pour sa famille la solution de la lettre. Si son acte lui revient à la conscience, il y a l'hypothèse de la tentative de suicide. C'est pas celle que je privilégie. Deuxième élément, il se paye entre guillemets une tranche de vie avant d'être interpellé. Et troisième piste possible, partir loin, changer d'identité. Là, on serait devant un cas quasi exceptionnel dans les annales de la criminologie. Anne-Sophie Martin, cette affaire ressemble, ça va pas au-delà, mais elle ressemble quand même d'une part à l'affaire Roman pour la dérive d'un homme et d'autre part à l'affaire Godard pour la disparition d'un homme. Enfin, ça s'arrête là. Quand même, oui. Allez-y. À plusieurs nuances près, l'affaire Jean-Claude Roman. C'est pour ça que je dis que ça s'arrête là. Oui, voilà. Plusieurs nuances près, évidemment. Que vous citez, c'est un mythomane. Il a fait croire tout ce qu'il n'était pas, ce qui n'est pas du tout le cas de Xavier Dupont-Négresse, qui a mené une vie de chef d'entreprise, même si ça déclinait au fil des ans. Mais il a bien eu des activités. Et puis Godard, on l'a retrouvé. Ouais. On a retrouvé un fémur, je veux dire. Mais on a retrouvé un fémur, bon. Ouais. Mais donc, quelle est la dérive psychologique de Xavier Dupont de Ligonnès? Alors, c'est toujours compliqué, hein, surtout. Je préfère que ce soit un psychiatre qui fasse ça plutôt que moi. Mais ceci dit, c'est vrai qu'en rencontrant, si vous voulez, des gens, sa famille ou des proches, etc., on s'aperçoit que le poids des parents dans le destin de Xavier Dupont de Ligonnès est sans doute assez important. Notamment parce que, si vous voulez, son père, quand il était ado, vous l'avez rappelé, avait quitté sa famille, avait abandonné sa famille pour partir vivre des aventures en Afrique, et que finalement, lui disait publiquement c'est insupportable d'abandonner sa famille, faut pas, c'est pas bien. Donc il condamnait. Finalement, lui, comme me l'avait dit un ami du père, il a trouvé peut-être encore une solution plus radicale. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, ça m'a frappé le parallèle, si vous voulez, l'effet miroir entre le parcours du père, qui avait une vie, c'est un ingénieur aéronautique très brillant, encore plus que son fils, hein, Hubert de Ligonnès, et puis qui tout se dégrade en fait au fil des ans. Il finira par distribuer des encyclopédies au porte-à-porte. Hein. Il vit dans un petit appart en banlieue parisienne et tout, c'est quand même pas florissant. Et donc le fils, si vous voulez, se retrouve un petit peu coincé lui aussi, puisque ses affaires périclites. Il a trouvé une nouvelle activité. Il fait des audits, hein, pour une société de Versailles dans des hôtels et restaurants. Il fait des tournées pour cette société. Bon, mais si vous voulez, on est très loin des 10 000 euros par mois dont parlait le sonneur. À un moment, ça existait. Mais ça fait des années que ça n'existe plus. Et ça fait des années que Xavier Dupont-Négresse tape ses proches, ses anciennes maîtresses, ses amis, son beau-frère, etc. Il essaie d'avoir de l'argent un peu par tous les moyens pour boucler les fins de mois. Et c'est vrai que les enfants grandissant, faisant des études, des activités, etc., c'est devenu de plus en plus impossible. Il est complètement pris à la gorge, comme son père l'a été. Et c'est pas rien que de rappeler la mort du père en janvier 2011, c'est-à-dire deux mois avant le drame, chez qui il va retrouver une carabine qui est en pièces détachées chez le père. Et au fur et à mesure des jours où il vide l'appartement du père décédé, il reconstitue l'arme. Alors ouais. Ça en fait quand même une tonne, si je puis dire, d'indices qui accablent, hein, Xavier Dupont de Ligonnès. Votre intime conviction, vous, le choix entre la cavale ou le suicide? La cavale. Pour les raisons évoquées, c'est-à-dire d'abord la dérive, le nombre d'indices qui fait que c'est un étau qui se resserre et qu'il n'a plus qu'un choix, la cavale. La cavale, parce que si vous voulez, dans la plupart des histoires criminelles où les gens tuent toute leur famille, ce qu'on appelle les familicides, eh bien le père de famille, puisqu'en général c'est lui, se tue sur les lieux dans 95% des cas, enfin c'est presque la totalité. Là, pourquoi il serait allé se suicider dans l'arrière-pays varois, ce qu'ont pensé les enquêteurs qui, à la direction de la police judiciaire, pensaient qu'en trois jours, on le retrouvait. C'était pas possible qu'il s'échappe. Hein, et ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant. Alors, vous avez interviewé les proches de la famille. Vous avez interviewé à la fois les proches de Xavier, les proches d'Agnès. Qu'est-ce que vous en avez retiré déjà de ce qu'ils ont pu vous apporter des éclairages? Ça a été quoi leur comportement, l'étonnement, l'affliction? Enfin, je me suis dit, c'est tout en même temps, quoi. Alors, je vais être rapide sur les proches d'Agnès, parce que ils ont désigné une personne qui est un peu porte-parole de la famille, mais qui ne dit presque rien. Ils sont dans la douleur, ils sont dans le silence, ils sont persuadés que c'est Xavier Dupont de Ligonnès l'auteur. Ils aimaient beaucoup Agnès, allait souvent avec les enfants passer les vacances dans la famille en Bourgogne, etc. Ils n'aiment pas les médias, ils ne veulent pas que rentrer dans le fait divers où chaque témoignage pousse un autre témoignage, etc. Et puis vous avez la famille de Xavier, la mère et l'une des sœurs, pas les deux, qui préfèrent croire dans la version du fils et frère aimé, plutôt que finalement la raison et le nombre d'indices, vous l'avez rappelé, qui est assez important, auteur des lettres, auteur des achats, des objets qu'on a retrouvés, auteur d'une cavale, il est présent, comme, enfin il laisse des indices comme le petit poussé, hein, il est présent dans les dîners, etc. On sait qu'il est chez lui, enfin son téléphone le marque chez lui, etc. Il est tout le temps là. Donc les lettres, pour vous, c'est pas un corbeau, c'est lui ? Alors, ça dépend quelle lettre. Les lettres envoyées pour expliquer les absences, etc., tout ça, c'est lui, c'est son ordinateur. Les lettres envoyées... L'adresse IP, oui. Voilà, puis même la frappe, si vous voulez, de la lettre d'Arthur dans sa pizzeria ou de Agnès dans son école, c'est strictement les mêmes lettres. Et ça ne ressemble à aucun des deux. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a utilisé un langage trop administratif pour les deux. La lettre... Du 25 juillet, notamment. Du 25 juillet. Alors ça, c'est... Incroyable. C'est incroyable. C'est quand même une photo inédite, donc c'est nécessairement quelqu'un qui connaissait les enfants. Maintenant, que ce soit lui, je sais qu'il y a, si vous voulez, une dose un peu d'humour, de jeu, de défi peut-être dans l'acte et la fuite de Xavier Dupont-Ligonnès. On le voit dans le post-scriptum où il dit « Regardez pas sous la terrasse ». On le voit aussi le dernier jour où on l'a pu le tracer à Roquebrune-sur-Argens, où il y a ce regard un peu de défi à la caméra intérieure de l'hôtel, où il toise un peu genre « Attrapez-moi si vous pouvez ». Enfin, il y a cette dimension-là. Mais quand même, ça m'étonnerait s'il est un étranger qui a refait sa vie... Quatre ans après, oui, quand même. Qui s'amuse à envoyer, comme on l'a eu dans l'affaire du docteur Godard, où effectivement, il y a vraisemblablement eu un corbeau qui ont retrouvé des pièces. Là, c'est pas le cas. Hein. Bon, on va se retrouver, Anne-Sophie Martin, autour de ces mystères, après avoir écouté Adèle, qui nous chante « Someone Like You », et c'était effectivement en 2011. Remember you said Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Anne-Sophie Martin, on était restée à cette lettre qu'une journaliste de l'AFP à Nantes avait reçue le 25 juillet dernier, sur laquelle était écrite « Je suis toujours vivant », signé Xavier Dupont de Ligonnès. Alors peut-être un malade ou quelqu'un qui veut relancer, on l'a dit, apparemment ce n'est pas lui, ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, selon votre conviction. Et alors, quand on raconte sa vie, finalement, d'échec en échec, hein, il y a un moment où ça déraille, quoi. On se dit que peut-être, peut-être son crime est quelque chose qu'il a réussi, si j'ose dire, et évidemment avec de gros guillemets. Hein. Alors c'est paradoxalement, finalement, sa plus grande réussite, puisque de toute façon on ne connaît pas la vérité. On ne sait même pas s'il est mort ou vivant, et ça fait des années que ça dure, plus de 4 ans. Donc évidemment, pour lui, si on imagine ce que pourrait faire un psychiatre aussi, qu'il a un ego hypertrophié, c'est quand même quelqu'un qui disait « je suis hyper intelligent, j'ai un QI de plus de 150, 90% de la population sont des imbéciles, etc. » Donc c'est vrai qu'il a pu se jouer une revanche sur les échecs à travers cette préparation, cette organisation tout à fait exceptionnelle de son crime. Et puis, vous rappeliez tout à l'heure le mail à des amis qu'il avait envoyé pour annoncer que bah, si c'est ça, si ça en sortait plus, s'il avait plus l'argent, il ferait sauter la baraque, il mettrait le feu, etc. Je vais juste vous lire le point numéro 5 en toute fin de cette lettre où il dit « Je souhaite enfin que, même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs, que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles », ajoute-t-il entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh ben, ce qu'il veut dire, c'est que l'enquête, elle pourra pas aboutir, et que de toute façon, lui ne laissera jamais la vérité jaillir. Il fera tout pour qu'elle ne fasse pas. Et il demande à ses amis de ne pas aider, en gros, l'enquête ni la justice. Donc, il a bien cette idée. C'est son œuvre, quoi. Voilà, c'est sa grande œuvre. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure des parents, sa mère voyait pour lui un rôle d'élu. Un jour, il ferait quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je suis pas sûre qu'elle imaginait que ça soit dans une affaire criminelle, mais bon, voilà, il l'a faite. Bon, on va aborder un tout dernier point, écouter une toute dernière archive, parce que moi, ça me frappe, ça. Vous savez, cette voisine, là, qui raconte avoir vu Agnès le 7 avril, donc après sa mort présumée, et qui rapporte son témoignage à la police, on l'écoute. J'ai dit que j'avais vu Madame de Ligonnès à la sortie de mon travail, le jeudi soir, à partir de 19h15. Elle promenait son chien, et puis voilà, c'est tout. Puis je lui ai dit, je m'excuse, j'ai pas le temps de parler, mais je l'ai vue ce soir-là. Et après, je l'ai plus revue. Je suis sûre de la date. À cette époque-là, mon mari, le jeudi soir, n'était pas là pour récupérer mon fils chez la nourrice. J'ai dit, moi, je vous dis que je l'ai vu le 7. Et puis, je connaissais quelqu'un d'autre qui l'avait vu le 5 aussi. Ils m'ont dit, non, c'est pas possible, il s'était mort et tout ça, on a avec les résultats et tout. Ils ont pris un calendrier, ils ont dit, regardez, vous avez vu telle date. Moi, j'ai écouté, marquez ce que vous voulez. Je leur ai signé leur déposition, et puis voilà. Je disais tout à l'heure, on frôle l'histoire fantastique, quoi. Une personne qui apparaît après sa mort présumée, voilà, un mystère de plus dans cette histoire qui en contient beaucoup. Alors, un mystère de plus, et surtout, ce n'est pas une voisine ou un témoin, c'est 8 témoins qui, dans le dossier, vont assurer. En plus, ce sont des gens qui disent, je sais très bien, je venais chercher ma paye ce jour-là, donc je sais que c'était le 6, le 7. Après, le bar tabac d'à côté, il dit pareil. Une mère d'élèves, de copains d'élèves d'un des fils dit pareil. Enfin, c'est des gens qui arrivent à donner le timing, hein, si vous voulez, le calendrier, pour dire, c'est sûr que c'était après. Alors, ça a ouvert, ça n'a rien ouvert sur l'enquête, parce que de toute façon, les policiers n'y ont pas cru, donc ça n'a pas été, ils n'ont pas été réentendus, ces témoins. Mais ça laisse pour le moins la sœur Christine de Ligonnès, qui veut croire à une autre version, la possibilité d'eux, puisque de toute façon ce sont des points qui restent des énigmes, qui rajoutent du mystère au mystère, si vous voulez, finalement. Alors aller évidemment jusqu'à imaginer qu'Agnès ait survécu à ses enfants, etc., c'est totalement impossible de le faire. Bien, il me reste à vous remercier, Anne-Sophie Martin, pour votre témoignage et les précisions que vous avez apportées autour de cette mystérieuse et ténébreuse affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.